ce merdier, ça faisait bientôt 3 ans. On avait évité tout ce merdier, bientôt 3 ans. Et il faut juste une personne contaminée qu'on croit pas, qu'on croit pas. Contaminée, non, on le croit pas. Et une personne suffit, quelques minutes avec, et ça y est, c'est parti. Oh putain, ça fait chier. On avait quasiment gagné le droit de quoi, de se faire enculer en fait. Oh, tout ce qu'on nous a dit, qu'on allait capter la 5G gratos sans passer par le téléphone, tu vois. Les puces, les nanobots ou je sais pas quoi qui te rentrent dans le trou du cul, on va dire, hein. Oh putain, putain, attends, attends, attends. Ah oh yeah, oh yeah. Non mais y avait vraiment un problème. Pourquoi on n'a pas réussi? Là on s'est fait avoir un peu de laisse. On a laissé tomber les masques. On s'est dit oh ça ira. Et on a parlé un peu trop près, un peu trop près, oui, ça, c'est sûr. Et voilà. Comment se faire avoir? On était sauvés, on était encore naturels. Sans se merdier dans le corps. Cette daube, on était peut-être encore les seuls à pas l'avoir eu, sans être vacciné, sans être vacciné, sans être vacciné. On n'était pas si mal. C'est normal, comme avant, sauf que fallait prendre des masques pour faire ci, pour faire là, se prémunir quelque peu, et puis là, tranquille chez toi, une personne comme ça, que tu ne croirais pas, la seule que tu vois d'ailleurs de tout le mois, et là, bang, ça tombe sur le coin du nez. Oh non, c'est pas la grippe, attends, fais le test. Oh là, non. C'est bien ça, t'as 2 barres. Tu l'as. Tu l'as, mon gars. Et on te donne une feuille. Enfin, on te dit, t'auras une feuille comme quoi tu l'as et tu peux prouver. Comme ça, tu fais partie de la bande. Tu fais partie de la bande. Quelle bande. Tu fais partie d'un lot maintenant. Ça nous a pas tués, mais ça a bien failli. Qu'est-ce qu'il faut penser de ce merdier? Qu'est-ce qu'il faut penser de ce merdier que maintenant on a et qui nous laisse. Qui nous laisse un goût de merde dans le corps quand même. Thank you. croyait sauver. Plus personne prenait de masque. Tout allait bien, on croyait que c'était fini. Mais c'est là, juste là. Quand tu te dis, oh ben c'est bon, c'est réglé l'affaire, c'est fini. Et puis ceux qui l'ont, ils l'ont pas trop sévère apparemment. Alors. Et puis c'est les autres, c'est les autres. C'est toujours les autres, sauf que quand c'est passé, les autres c'est toi. Et quand ça t'arrive en pleine gueule, ben c'est là que t'en chies des bulles. Et tu dis putain mais c'est vraiment vrai cette merde là. Ça fait 3 ans que ça dure. On croyait que c'était des conneries. Putain mais en fait ça claque dur hein, quand même. Putain c'est du bon carburant de merde hein, qui te nique bien la race. Je croirais pas, mais ça te nique bien la race. Donc, si tu l'as jamais eu, si t'es encore comme avant, méfie-toi. Méfie-toi de pas traîner. Ne te laisse pas trop aller. Même à ceux que t'as confiance, laisse pas trop de confiance. Jamais trop de confiance. Dessous l'habit du curé se cache une bonne trique qui pourrait bien te refiler.